face à face. Je ne pensais jamais pouvoir dire un jour « J'ai discuté avec un des deux gars de Daft Punk » et pourtant, il est devant moi, celui qui a vécu près de 30 ans avec un casque de robot sur la tête, à faire une petite révolution de l'électro et de la pop. Il a amené la French Touch à un niveau stratosphérique avec les 4 albums de Daft Punk, avec son groupe éphémère Stardust, avec sa compagnie de disques. Il a signé des bandes originales de films. Il est musicien, DJ, producteur, réalisateur, scénariste, personnage discret et délicat et bourreau de travail. Il est de retour avec un premier disque depuis la douloureuse, pour nous, séparation de Daft Punk. Il signe la musique symphonique du ballet Mythologie et lance l'album du même nom, une musique orchestrale sans aucun son électronique. Alors, sans casque, sans machine et sans filtre, j'accueille celui qui fait de la réinvention un moteur, Thomas Bangalter. Bonjour. Bonjour. Je suis très, très, très heureuse de vous parler aujourd'hui, Thomas. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions associées à ça. Il y a votre disque symphonique avec Mythologie. Il y a bien sûr tout ce que vous représentez pour la musique mondiale, la pop, l'électro. Quand vous avez déposé votre casque de robot, qui d'ailleurs était apparemment très inconfortable, hein? C'est vrai ça? Non, il était pas si inconfortable que ça. Disons que j'ai évoqué récemment le fait que la visibilité y était réduite, mais à part ça, c'était relativement confortable. Ok, vous n'étiez pas dans la souffrance sous ce casque. Non, pas du tout. Mais pour revenir après la fin de Daft Punk, est-ce que vous deviez justement vous détacher du son électronique, de cet univers-là dans lequel on vous connaissait hyper bien? C'était un peu des coïncidences et à la fois un peu simultanées, mais j'ai commencé à travailler sur le projet Mythologie dès la fin 2019, début 2020. Donc à la fois, j'ai l'impression que le dernier disque de Daft Punk, Random Access Memories, était déjà dans une certaine forme de direction où les choses se rapprochaient aussi de l'humain. Vous avez souvent dit au sujet de Mythologie que le fait que ce soit une musique justement qui n'a pas besoin à la limite d'amplification, qui n'a même pas besoin d'être branchée à la base, qui pourrait se faire de façon totalement dépouillée, juste avec des instruments sans aucune même électricité, que ça vous plaisait beaucoup quand même comme, oui, ça comme ça contexte me plaît de parce création. Que, en fait, moi j'ai toujours été fasciné par la technologie. En questionnant son usage et en essayant d'expérimenter au maximum pour essayer de créer de l'émotion avec. Mais c'est vrai que quand on a l'occasion d'écouter de la musique non amplifiée, il y a quelque chose de très agréable parce qu'on peut se dire « Ah tiens, cette musique, elle aurait pu être jouée il y a 200 ans et elle pourrait être jouée dans 200 ans peut-être. » Donc à la fois, il y avait ce questionnement sur... Est-ce que j'ai besoin des machines en permanence, de manière systématique, pour créer ? Et aussi, est-ce que j'ai besoin de la technologie et donc de l'électricité pour être entendu ? Et l'idée de mettre finalement des technologies qui sont extrêmement avancées, mais la première et la plus basique dans notre société, ça reste l'électricité. Donc même de pouvoir faire abstraction de ça, c'est quelque chose qui est effectivement agréable. Parce que après c'est 2 ans de travail finalement le produit de ça c'était de partition à transmettre au chef d'orchestre à ce moment-là et aux musiciens et c'était un peu agréable de pas être dépendant de l'électricité en fait pour ce projet. bizarrement. Vous étiez indépendant et en même temps, c'est un sacré défi de composer pour un orchestre comme ça. C'est un sacré défi aussi de composer, j'imagine, pour un ballet. Vous aviez fait beaucoup de musique de film. Ça doit être différent quand même, composer pour un ballet. Et il y a un aspect qui est intéressant aussi, c'est que on vous connaît issu de la musique pop, de la musique électronique. Vous n'avez pas fait le conservatoire, je crois. Vous venez d'une famille quand même où la musique est très présente, par votre père notamment. Mais composer pour un orchestre, composer une musique orchestrale sans avoir nécessairement un passé en musique classique, est-ce que c'est intimidant? Est-ce que vous aviez des complexes, Thomas Bangalter? Alors, je viens d'une famille où la danse était très, très présente. Ma mère était danseuse classique et ensuite de danse contemporaine. Ma tante était danseuse, mon oncle était chorégraphe. J'ai passé mon enfance en immersion comme ça dans le monde de la danse, donc à la fois c'était quelque chose de nouveau. J'avais pris des cours de piano avec un professeur de piano qui était répétiteur à l'Opéra de Paris, donc il n'était pas à la base vraiment professeur de piano, mais il faisait répéter les danseurs à la place des orchestres pendant les répétitions de la journée. Et c'est vrai que quand j'ai accepté cette invitation d'Angelin Preljocage à écrire un ballet, c'était aussi ce monde de mon enfance que j'allais revisiter un petit peu. Après, j'avais eu la chance de travailler avec des orchestres, avec Daft Punk pour la musique de Tron, l'héritage, d'un film de Disney, aussi pour Random Access Memories, mais notamment sur Giorgio by Moroder. Intéressé, et j'étais curieux de trouver peut-être un jour l'opportunité d'écrire moi-même pour l'orchestre et d'orchestrer moi-même. Mais effectivement, c'était très intimidant et c'était amusant aussi finalement parce que j'ai continué à travailler sur le projet après la fin de Daft Punk, de finalement se retrouver à travailler sur un ballet. Donc il n'était même pas question du disque à ce moment-là. C'était vraiment pour moi terminer de composer, de terminer la musique pour les représentations à l'Opéra de Bordeaux, pour les danseurs et pour l'orchestre, mais de finalement travailler sur un projet qui était à une plus petite échelle. Vous parliez là des échelles de pop musique planétaire, etc., mais qui était finalement sans doute le projet le plus ambitieux et le plus compliqué musicalement. J'ai toujours aimé cette idée d'échelle différente. Vous parliez de Stardust. Moi, j'avais un label de musique électronique qui a continué parallèlement à Daft Punk à un moment donné où on avait à la fois, on faisait des morceaux qui rencontraient un grand succès avec Daft Punk et des projets plus underground et d'avant-garde parallèle à ça où on vendait quelques milliers de disques ou quelques centaines de disques. Et j'ai toujours été motivé par ces différentes échelles, en fait. Thomas Bangalter, on va aller écouter un extrait de Mythologie. Thank you. Le catch, extrait de Mythologie, signé Thomas Bangalter, avec qui je suis toujours. Thomas, est-ce qu'il y a un lien à faire entre justement musique classique et musique électronique en termes de création, de composition, votre travail à vous? Moi, j'ai jamais vraiment eu l'impression d'être spécialement un musicien de musique électronique. On a commencé avec Emmanuel à faire un groupe de rock avec Branco de Phoenix aussi. On avait un groupe qui s'appelait Darlene. Et après, on a commencé à utiliser des machines. Et puis, si on reprend encore Random Access Memories, j'ai pas vraiment l'impression que Random Access Memories, ce soit un album de musique électronique. Donc, il y a des éléments électroniques, mais encore une fois, ce sont des outils. Et c'est vrai que si on parle de mélodie et d'influence qu'on pourrait trouver dans la musique classique, il y a des morceaux qu'on a faits comme Very Disco ou comme Aérodynamique, où il y a des éléments qui pourraient se rapprocher de la musique classique, qui seraient joués par des synthétiseurs aussi, finalement. Après, voilà, il y a des correspondances entre la musique classique et la pop musique, mais de parler de manière théorique sur les points communs ou les correspondances qu'il pourrait y avoir, parce que je considère juste que c'est de la musique avec différentes fonctionnalités comme ça. Et quand on a, parce que le thème de Mythologie, bien sûr, ce sont les mythes, différents mythes. On retrouve Icare, le Minotaure, Aphrodite, Zeus. Comment vous avez exploré ces différentes mythologies pour vous inspirer? Alors, moi, j'ai travaillé au départ, quand Angelin m'a demandé d'écrire le ballet avec lui, il n'y avait pas de thématique encore. Donc, j'ai commencé à écrire des extraits, des esquisses comme ça, et à partager ces esquisses avec Angelin. Et après, je lui ai donné une vingtaine d'esquisses. Il y avait, je sais pas, entre 18 et 20 minutes de musique. C'est lui qui est revenu avec cette idée de mythologie par rapport à la musique qu'il avait entendue. Et il m'a proposé un livret avec différents mythes. Et c'est là où je lui ai proposé d'assigner un peu les différentes esquisses à tel mythe. Et une fois qu'il a validé ce processus, moi, je suis parti écrire finalement et composer un ballet dans ma tête un peu. Et c'est ça qui était amusant, c'est que finalement le ballet, il a existé deux fois. Il a existé quand je fermais les yeux et que j'étais en train d'écrire la musique, et une fois que j'ai donné la musique à Angelin, qu'il a créé la chorégraphie, j'ai découvert un deuxième ballet, mais j'ai eu effectivement un peu carte blanche pour les développer. Et en même temps, on savait qu'on n'allait pas faire un spectacle qui serait scolaire, qui expliquerait la mythologie de A à Z. Donc c'est plus des ambiances, des atmosphères, quelque chose d'assez impressionniste en fait, et assez vague, parce que ça reste de la danse contemporaine et où on est à la limite entre quelque chose de figuratif et d'abstrait en fait. Comme dans Les Amazones. Un extrait des Amazones qu'on retrouve dans Mythologie. Thomas Bangalter, normalement, le processus normal, on enregistre un disque et ensuite on crée un spectacle qui va avec ce disque. Vous avez créé l'inverse dans ce cas-ci. Il y a le spectacle qui est devenu un disque. Est-ce que ça a teinté le processus créatif? C'était intéressant, comme je l'ai dit, moi je réfléchissais pas du tout au disque et surtout je me suis engagé à un moment donné quand comme le ballet c'était une commande de l'opéra de Bordeaux et de la compagnie d'Angelin et j'étais pas totalement sûr du résultat non plus, donc c'est seulement une fois le spectacle terminé où on était satisfait Angelin et moi. Et j'ai pris la décision finalement de me dire, bon, bah, ça va devenir un disque. Mais c'est vrai que c'était quelque chose d'assez agréable, cette idée-là, que c'était du spectacle vivant aussi. Donc on a parlé de la place de la technologie et de la musique. Après, on parle aussi de musique classique. Mais souvent, la musique classique, des fois, c'est un peu de la musique morte, en fait, qui vient d'il y a très longtemps. Voilà, donc là, on est vraiment dans le spectacle vivant et dans une recherche de lyrique en fait, le lyrisme de la chorégraphie et de la musique et c'est vrai que le ça finalement c'est devenu un disque dans un deuxième temps après avoir été un spectacle. Oui. Oui, c'est ça. Vous parliez du chorégraphe de ce ballet, Angelin Prejlocage, avec lequel vous avez travaillé, j'imagine, étroitement quand même si vous aviez une très, très grande liberté de création. C'est un chorégraphe, je crois, qui a travaillé à plusieurs reprises avec des musiciens aussi issus de la pop, que ce soit R, que ce soit Laurent Garnier. Vous, qu'est-ce qui vous liait avec ce chorégraphe? C'est un chorégraphe dont j'apprécie le travail. J'ai l'impression que ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a intéressé dans son travail, c'est justement sa capacité à la fois explorer l'avant-garde et à la fois sans renier non plus les influences académiques et classiques non plus. Donc des fois au sein d'un même spectacle, mais aussi sinon des fois avec des spectacles qui sont finalement très différents. Il a fait un spectacle juste avant qui était un mélange d'enregistrements de Gilles Deleuze et de Jimi Hendrix, par exemple. Et donc, il est dans une recherche et une expérimentation qui m'interpelle et qui m'intéresse et qui font partie, comme ça, dans le spectacle vivant, de ces espaces de réflexion, en fait, et de stimulation, en fait, qui peuvent être des stimulations abstraites, qui peuvent être des stimulations intellectuelles. Mais où en même temps, comme ça, on peut cultiver aussi un certain amour pour un romantisme et un lyrisme et un académisme un peu qui est en train de disparaître, une certaine forme de poésie assumée qu'on peut vouloir préserver. Et ça me fait également penser effectivement à certains aspects de Random Access Memories où c'était aussi un hommage à des techniques, à des techniciens, à des instrumentistes d'un autre temps peut-être, et sans retourner vers le passé ou dans le passé, l'idée c'était de ramener des éléments du passé dans le présent. Voilà. Comme dans ceci. Thank you. Je suis toujours avec Thomas Bangalter qui signe la musique de ce ballet Mythologie qui est maintenant disponible en album. Thomas, cette année, on fête aussi les 10 ans de la sortie de Random Access Memories. Et ça va être souligné aussi, il y a cet album de luxe avec des versions inédites ou démos de l'album. Quel regard vous portez sur cet ultime album de Daft Punk aujourd'hui? J'ai plutôt de la tendresse, en fait, j'ai l'impression, pour ce disque et pour l'incroyable opportunité que nous avons pu avoir, que j'ai pu avoir de travailler et de réunir tous ces artistes et ces musiciens et ces techniciens si talentueux qui se sont mis un petit peu au service d'un projet qui était assez ambitieux. Hein. C'était un petit peu comme un blockbuster sans image, en fait, hein, quand on a fait le disque, donc dans sa forme. Donc c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir participé à ce moment-là à la réalisation d'un film sans image, un peu, où il y avait toutes les étapes d'écriture, de pré-production, de production d'enregistrement, de post-production, qui se sont étalées sur la durée, avec finalement... presque comme s'il y avait eu un tournage plusieurs semaines ou plusieurs mois et plusieurs années plus tard, on a retrouvé finalement, après beaucoup de post-production, tous les acteurs en fait de ce disque qui ont pu le découvrir aussi, un peu comme finalement des acteurs découvrent un film 2 ans après le tournage. Et c'était très émouvant, aussi bien avec Paul Williams ou... Giorgio Moroder ou Pharrell Williams, de les voir découvrir le disque fini, finalement. Donc, il nous avait fait confiance et j'en suis éternellement reconnaissant. Et de quoi vous rêvez aujourd'hui, Thomas Bangalter? Qu'est-ce qui vous fait envie en musique? Est-ce que vous avez des fantasmes inassouvis encore? J'espère bien, mais c'est surtout la liberté qui me plaît de pouvoir continuer à explorer les choses. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que ça revient toujours dans votre façon de parler de la musique, dans votre façon de parler de la création. Cette quête de liberté-là, ça a été finalement le fil conducteur jusqu'à aujourd'hui. Ça le reste. Hein. Moi, j'ai l'impression de continuer à aborder ce projet avec la même curiosité et la même innocence, finalement, et la même spontanéité, même si finalement les choses peuvent prendre du temps. Moi, j'aime bien les surprises, en fait, et j'aime bien me surprendre moi-même. J'avoue que je fais pas mal abstraction de l'extérieur, en fait. Hein. C'est un processus assez personnel en regardant le monde et puis en essayant de créer des petites capsules. D'émotions ou de quelque chose un petit peu sensible comme ça, et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me motive le matin d'aller à l'aventure comme ça. Merci beaucoup, Thomas Bangalter. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler et peut-être qu'on se reparlera pour un autre projet complètement différent dans quelques voilà, années. C'est ça. Merci Exactement. Beaucoup. Merci.